toujours à l'occasion de la Journée du Soleil, fête nationale suprême, les prix d'honneur Kim Il-sung pour la jeunesse et enfants ont été décernés au comité primaire, permanent et membre de l'Union de la jeunesse et aux membres de l'Organisation des enfants. La cérémonie de remise a eu lieu le 12 courant à la Maison de l'Union de la jeunesse. À la suite de la lecture des décrets du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, on a conféré les prix d'honneur Kim Il-sung pour la jeunesse à 15 comités primaires et à 33 permanents et membres de l'Union de la jeunesse. Ensuite, on a conféré les prix d'honneur Kim Il-sung pour enfants à 99 enfants.